Chapitre 14e. Veux-tu me rendre le service d'emmener Yvonne au patinage ? Demanda Madame de Chavannes, qui entrait suivie de sa fille. Son frère est un tel étourneau que je n'aime pas la lui confier. Et s'apercevant que le marquis était seul dans le fumoir. Ah, je vous demande pardon. Je croyais que Liane était là. Elle est allée mettre son chapeau. Je vais la faire avertir. Dites donc, vous ne trouvez pas qu'elle change terriblement ? Qui ça ? Liane. Croyez-vous ? Répondit distraitement M. de Gueldre. Ça crève les yeux. Elle devient maigre comme un coucou, et puis la moitié du temps elle est triste, ou alors si elle est gaie, elle l'est trop. Que voulez-vous ? Les femmes manquent toujours de mesure. L'œil clair d'Yvonne se posa dur et méprisant sur le marquis. Elle adorait Mme de Gueldre, et elle s'indignait de l'indifférence ironique qu'affectait son mari en parlant d'elle. Agacée aussi, Mme de Chavannes avait pris le sport posé sur la cheminée et le parcourait en se chauffant. « Je vois, dit-elle, que votre voisin Jardane est à Nice. »« Oui, Guibray aussi. Il était ici il y a quelques jours. »« Ah !» fit avec intérêt Madame de Chavannes. Au fond, elle conservait l'espoir qu'Yvonne reverrait le vicomte et changerait peut-être d'avis quand elle le connaîtrait davantage. Elle reprit. « Quand M. de Guibray était-il ici ? Mais je ne sais pas trop. » Et se tournant vers sa femme qui entrait, le marquis demanda. « Liane, quand donc Guibray est-il venu vous voir ?» Elle répondit. « Mercredi dernier, je crois. » Et s'adressant à Yvonne. « Il paraît que tu viens patiner avec moi. »« Oui, » dit Madame de Chavannes. « Moi qui ne patine pas, j'ai vraiment trop froid. Ils sont heureux à Nice. Ils voient le soleil, eux. » Elle continuait à regarder le sport. Tout à coup, elle poussa un cri. « Ah, voilà, on fait des manières. Et puis après ?»« Trop tard, si on veut se raviser. Ça y est, il est marié. » « Qui donc ?» demanda Madame de Gueldre, qui mettait ses gants. « Monsieur de Guibray, parbleu !»« Marié ?» balbutia Liane, devenue toute blanche. « Quand je dis marié, c'est une façon de parler. Il se marie, enfin. »« Qui épouse-t-il » demanda le marquis. Yvonne répondit en riant. « Mademoiselle de Grossac !» Madame de Chavannes se leva, furieuse. « Tais-toi, c'est stupide ce que tu dis là. » Et très énervée de voir son projet tout à fait anéanti, mécontente de la gaieté de sa fille, elle tapa sur le journal pour indiquer les lignes de la gazette héraldique qui dansait devant ses yeux et cria rageusement « Il fait un mariage superbe, au contraire. Il épouse une gueule d'argent. » « Vous dites ?» fit le marquis étonné, tandis qu'Yvonne se roulait sur un des divans en répétant « Une gueule d'argent ! Une gueule d'argent !» Puis voyant que sa mère les regardait sans comprendre, elle vint d'une glissade se pendre à son cou en disant « Pauvre maman, va !» Madame de Gueldre, debout à la même place, les paupières baissées, les lèvres tremblantes, continuait à mettre ses gants d'un mouvement lent et régulier, craignant d'être obligée de parler ou de bouger. Sans voix, les jambes fauchées, incapable de faire un pas ou de prononcer un mot, elle écoutait son mari, qui à présent lisait. On annonce le mariage de M. Marie-François Jean, vicomte de Guibray, neveu de M. de Jardane, l'un des plus grands propriétaires du Morbihan, avec Mademoiselle Louise Marie-Caroline de Lancey, fille de M. René Guillaume, baron de Lancey, et de la baronne née des Ramures. M. de Gueldre respira, puis il acheva, dans un faux rire, armes, de gueule, au sautoir d'argent. Et Yvonne, reprise d'un nouvel accès de gaieté, se mit à gambader à travers le fumoir en criant « Une gueule d'argent ! Une gueule d'argent !» Madame de Chavannes, qui avait pris aussi le parti de rire, interpella tout à coup la marquise. « Et toi, qu'est-ce que tu dis de ça ?» Elle balbutia dans un violent effort. « Rien, que veux-tu que j'en dise ?» Plus pratique, et pensant au voisinage si rapproché des zones, M. de Gueldre s'écria « Pourvu qu'elle soit agréable au moins, la gueule d'argent !» Liane était au supplice. Elle se tourna vers Yvonne. « Allons, viens-tu, petite ?» Elle sortit, suivie de la jeune fille. Tandis que se rasseyant au coin du feu, en face du marquis, Madame de Chavannes demandait avec un dédain méfiant « Est-ce que vous connaissez ça, vous, les Lancey ?» La fin de la journée parut à la marquise horriblement longue. En filant, rapide et souple, au milieu des patineurs qui la saluaient ou l'arrêtaient, à qui elle était forcée de répondre et de sourire, elle se sentait isolée, perdue, absolument seule. Il n'y avait plus d'espoir possible. C'était fini. Fini pour toujours. Toujours. Ce mot à présent lui paraissait sinistre, lui faisait entrevoir un déroulement infini de meurtrissures et de désespoir. Ainsi c'était ça, l'amour. Ça vivait dans les larmes, ça sombrait dans le ridicule, et ça ne pouvait pas mourir. Car elle sentait bien que malgré la scène grotesque de tout à l'heure, malgré le manque de parole de M. de Guibray, elle aimait toujours. Elle aimait sans pouvoir se reprendre. Elle eut honte de voir que cet amour la possédait toute, et elle pensa « Je ne peux pas vivre ainsi, je ne peux pas. » Et tout de suite, l'idée de mourir lui vint. Pourquoi pas? Il lui en coûterait si peu. Oui, mourir. Mais comment? Ça n'était pas au fond aussi simple que ça en avait l'air. Se tirer un coup de revolver? Elle avait l'effroi des armes à feu. Elle se manquerait sûrement. Se noyer? Dans la Seine, au milieu des glaçons boueux? Et puis, elle nageait trop bien, la lutte serait atroce, car elle n'aurait jamais la force de volonté nécessaire pour se laisser couler à pic. Et aussi, pour son mari, elle n'avait pas le droit de finir ainsi. Si elle mourait, il fallait absolument qu'on ne sût jamais, ni lui ni personne, qu'elle n'était pas morte naturellement. Et alors, elle songea qu'au contraire, en mourant bruyamment, elle causerait peut-être à Jean une dernière satisfaction d'amour-propre. Certes, il ne dirait pas tout haut, « C'est pour moi qu'elle s'est tuée, mais il penserait, faut-il qu'elle m'aime tout de même ?» Et ça le flatterait. Faisant signe à Yvonne de rentrer, elle conclut, « Voilà, le difficile est de trouver une mort propre. » Pendant qu'elle enlevait ses patins, M. de Mons demanda, « Vous avez votre voiture ?»« Non, Yvonne peut bien revenir à pied, nous demeurons si près d'ici. Est-ce que je peux vous accompagner ?»« Est-ce que nous pouvons aussi ?» dirent Juvisy, Alsen et Dammartin. Nous ferons suivre les voitures jusqu'à votre porte. » Alsène regarda autour de lui et demanda à la marquise, « Vous n'avez pas vos chiens ?»« Si, ils m'attendent au tir. »« Je ne les laisse pas venir sur la glace, ils feraient peut-être tomber quelqu'un. » Alsène observa, « Ils feraient même tomber tout le monde. » Au moment où la marquise appelait Toquet Blanc, qui se précipitait joyeusement vers elle, une bonne voix pleine et goguenarde s'écria, « Ah, je vois avec plaisir, madame la marquise, que vous ne vous ressentez plus du tout de votre indisposition. » Elle se retourna. « Tiens, qu'est-ce que vous faites ici, docteur? Est-ce qu'il est arrivé un malheur ?»« Un accident, un microscopique accident. C'est mademoiselle de Saint-Leu qui est tombée et s'est légèrement, oh, très légèrement, foulé le pied. Et elle a été tout de suite admirablement soignée, par sa mère d'abord, et aussi par monsieur le marquis d'Argos, un homme charmant, qui assistait à sa chute. » Yvonne se mit à rire en disant « Vous êtes un très méchant docteur. »« Moi, pas du tout. » »« Et bourru. » »« Je trouve seulement que ce n'est pas la peine de me faire quitter ma consultation où ma tante peut être des malades pour tout de bon, pour me faire venir avec ma trousse, regarder flirter des gens qui n'avaient pas besoin de moi pour ça. » Il se tourna de nouveau vers la marquise, demandant « Est-ce que vous avez fait des piqûres ?» Madame de Gueldre rougit. Elle se reprochait d'avoir joué la comédie pour sa névralgie, comme la petite Saint-Leu pour son pied. Elle répondit « Non, docteur, j'ai horriblement peur de la morphine, vous savez. » « La morphine n'a, pour les gens raisonnables, aucun inconvénient. » Sans savoir exactement pourquoi elle faisait ce nouveau mensonge, Liane reprit « J'en ai une peur si ridicule que j'ai jeté la petite bouteille. Je ne veux pas qu'il y ait de morphine à la maison. » Et puis ma névralgie ne doit pas être une névralgie. Vous riez. Je vous assure que ça change de place. J'ai des étouffements, des battements de cœur. » Et voyant que le docteur l'écoutait en souriant sans répondre, elle ajouta, « Vous verrez, je mourrai un beau jour, sans qu'on sache de quoi, tout à coup, pan, d'une chose quelconque et inconnue. Vous verrez ça. » Le docteur haussa imperceptiblement les épaules et, saluant, rejoignit sa voiture qui stationnait contre la palissade du tir aux pigeons. Juvisy demanda, en riant, à la marquise, « Ça vous prend souvent, ces gaietés-là » Elle se mit à rire aussi et répondit, « Quelquefois. »« Tenez, » dit M. de Mons en montrant Toc et Blanc, qui levaient vers leur maîtresse leurs beaux yeux intelligents, « on croirait vraiment que vos chiens ont entendu les absurdes choses que vous venez de dire. » Elle regarda les deux chiens. « Ils m'aiment, c'est vrai, mais ils vous aiment presque autant que moi. »« Oh non !»« Appelez-les donc, là. Vous voyez comme ils vous caressent. Ils se promènent si souvent avec vous, et vous êtes si bon pour eux. »« Je n'ai à cela aucun mérite. J'adore les animaux. Et à Paris, je n'en ai pas. » Il faudra que j'achète un chien. Non, deux chiens. Un seul s'ennuierait en tête à tête avec moi. » Alsen regarda Toc et Blanc. « Ces deux-là sont peut-être très beaux, » dit-il doucement, « mais ce n'est pas le genre de beauté qui me plaît. » Yvonne répondit. « Madame de Gueldre a ramassé Toc écrasé sous un omnibus place de la Bourse. Et elle a trouvé Blanc à Clichy, passage du Soleil. Il était un vieux chiffonnier qui allait le tuer parce qu'il ne pouvait plus payer la taxe. Il avait essayé de le perdre, mais il revenait toujours. » Liane, en caressant affectueusement les deux grosses têtes velues. « Ils sont affreux et ridicules, mes chiens. Mais ils m'aiment autant que s'ils étaient jolis. » Et elle pensa. « Ce sont peut-être les seuls êtres qui m'aiment. »